Nous saluons chacun de vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous en profitons pour saluer tous nos frères et toutes nos sœurs qui nous suivent en ligne. Nous souhaitons à chacun de vous des riches bénédictions de la part du Seigneur. Je vais prier. Seigneur, merci. Bwana asanti. Merci pour toutes les prières qui t'ont été adressées depuis ce matin. Asanti juu ya maombi yote walikuomba tangia asubuhi. Toutes ces prières ont été formulées au nom de Jésus-Christ. I maombi yote baliomba mujina ya Bwana Yesu Kristo. Et nous croyons selon ta promesse. Na tunaamini kufuatana na malako yako. Tu as dit là où deux ou trois sont assemblés au nom de Jésus-Christ. Ulisema pale bawili wala watatu wakusanyika mujina Yesu Kristo. Tu te trouves là-bas. Wewe unapatikana katikati yao. Et tout ce que nous demanderons au nom de Jésus-Christ. Na ile yote tutaomba mujina Yesu Kristo. Tu as promis de nous les accorder. Ulitulaka kwamba accorde Seigneur à chaque sœur, à chaque frère et à tous ceux qui nous suivent en ligne. Accorde-leur, Seigneur, selon leur foi. Que ceux qui ont demandé le pardon puissent leur accorder le pardon. Que ceux qui désirent la nouvelle naissance, la sanctification, le Saint-Esprit, la guérison physique et tout tant d'autres choses, Seigneur, fais descendre ta bénédiction sur chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amina. Nous vous invitons à vous lever. Marc chapitre 4. Marco sura yake ya 4. Marc chapitre 4 verset 41. Marco sura ya 4 mstari ya 41. Il est écrit. Banaandika hivi. Ils furent tous saisis d'une grande frayeur. Bote bakashikwa na boka mukubwa. Et se dire les uns et les autres. Na bakanza kuambiana bamoja kwa wengine. Qui est donc celui-ci? Basi huyu mutu ni mutu gani? À qui obéissent le vent et la mer? Ule mpepo na bahari iko na muti? Qui est cet homme? Huyu ni mutu gani huyu? Nous devons le savoir. Tunapashe kujua. Qui est-il? Ni nani huyu? Il parle. Ego nasema. Il dit aux eaux et au vent. Anambia mpepo na bahari. Tais-toi. Mukae kimya. Silence. Mukale kimya. Et les eaux et les vents. Na maji na mpepo. Obéissent. Binamuti. C'est qui cet homme-là? Huyu ni muntu kani huyu? Il nous faut le connaître. Inapashi tumujua. Et si nous le connaissons très bien, kama tunamujua mzuri, il est un homme à suivre. Ni muntu wa shikufuata. Il est celui-là à qui il faut obéir. Ni muntu ule tunapashi kutii. Il faut c'est lui à qui il faut donner gloire. Yenjo tunapashi kuletea sifa. Amen. Amina. Vous pouvez vous asseoir. Unawezi kuikala. Qui est celui? Qui est donc celui-ci? Huyu basi ni mutu gani? Depuis mardi, tangia mukazimbili, nous parlons de ce sujet. Tukunasemea kuhusu ishi na maubiri. C'est pour ôter tout doute, ni jua kondosha shaka yote, toute peur, boka boti, toute incrédulité, kutokuamini kote, toute désobéissance, na kutokutii kote, dans nos vies. Mumaisha yetu. Et savoir que na kujua ya kwamba, celui qu'on a trouvé ule tunapata, c'est le Dieu véritable. Jo Mungu wa kweli. Amen. Amina. C'est lui que tu as trouvé ma sœur. C'est lui que tu as trouvé mon frère. Il n'y a pas de doute. Hakuna shaka. Il est celui qui dit. Ni ule kona sema. La chose arrive. Na ile kitu inafika. Anamuru. La chose existe. Na ile kitu inafanyika na kuwa. Et le Seigneur Jésus Christ. Jina lake ni Bwana Yesu Kristo. Regardez comment la Bible parle. Tazameni namna kani Biblia iko nasema. Jacques chapitre 2. Yakobo sura yake ya pili. Verset 19. Mstari ya 19. Prenons la Bible. Tuchukue Biblia. C'est le seul absolu que nous avons. Ndio tegemeo moja tu ile tuko nayo. Le document vrai. Kitabu cha vya kweli. Toutes les théories scientifiques. Ma marifa yote. Après 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Kisha miaka 10, makumi mbili, makumi tatu. On peut le remettre en cause. Manaweze tena kuishakia. Mais la Bible. Alakini Biblia. Demeure éternellement. Ikunabakia milele. Toutes les théories informatiques. Ma théorie yote ya informatique. Après plusieurs années. Kisha miaka mingi. On peut le remettre en cause. Manaweze tena kwanza kuishakia. La médecine un moment. Kinganga. On la remet en cause. Leko na kishakia muda fulani. Le droit. Droit. Après un temps. Kisha muda fulani. On le remet en cause. Manaweze tena kuishakia. La sociologie. Sociologie. Après un temps, kisha muda on fulani, la remet en cause. Qu'est-ce que cela veut dire? Inamaanisha nini? Face à l'épreuve du temps. Mbele ya muda kurefuka. Non, face à l'épreuve du temps. Mbele ya kupima. Kupima nani? Kupima wakati. Kupima bintu vyote mu wakati. Kupatia bintu vyote wakati. L'épreuve du temps. Il s'avère que. Inaonekana ya kwamba. Tout. Mukipimo ya wakati. C'est ça. Il s'avère que. Inaonekana ya kwamba. Il y a toujours des modifications. Unakuwa paka mabadiriko. Il y a toujours des remises en cause. Unakuwa paka bintu vya kubadilisha. Mais seule la Bible. Ni paka Biblia tu. Face à l'épreuve du temps. Mumipimo ya wakati. La Bible démontre que. Biblia inaonesha ya kwamba. Elle est toujours parfaite. Inabakia paka kamilifu. Ce qui a été dit. Ile ilisemewaka. C'est justifié. Inahesabiwa haki. C'est-à-dire ce qui a été dit dans la Bible. Manakili riseme waka mbiblia. Éprouvé. Yenye kupimwa. Ce qui a été dit. Ile riseme waka. A été démontré. Ilioneshwa. Que c'est la vérité. Ya kwamba ni ya kweli. Et rien ne peut être remis en cause. Hakuna kile cha kushakiamo. Jacques chapitre 2 verset 19. Yakobo sura 2 mstari ya 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Unaamini ya kwamba kuku Mungu moja tu. Tu fais bien. Unafaa mzuri. Les démons le croient. Ma démona nayo inaamini. Et que font-ils? Na kisha inafaa nini? Il tremble. Na inatetemeka. C'est-à-dire, Satan, Shetani, devant la parole de Dieu. Mbele ya neno la Mungu. Devant Dieu. Mbele ya Mungu. Satan tremble aussi. Shetani naye yuko natetemeka. Amen. Amina. Satan reconnaît Shetani anatambua, l'autorité suprême qui existe. Mamulaka ya yulu ile kwako. Et il s'incline. Na ikuna inama. Devant cette autorité là. Mbele ya ile mamulaka. Il obéit. Ikuna ti. À ce que cette autorité là dit. Kwa ule mwenye mamulaka yuko nasema. Il passe en action. Na inatenda. Quand il y a un seul mot de la Bible qui lui demande d'exécuter ce qui est dit. Wakati kuku msemo moja ya Biblia inamlomba kustenda vile inasemewa. Amen. Amina. Frère, nduku, si un homme comme Satan, kama mtu sawa Shetani, et toute son armée, na jeshi yake yote, lui reconnaît Dieu, yeye anamtambua Mungu, et reconnaît sa supériorité, na inayua bukubwa bwake, alors c'est sérieux? Kumbi ni mambo ya nguvu ya kubeba na roho yote. Il tremble. Kama ye Shetani yako na tetemeka. Que devons-nous faire? Sasa shi tunapashi tufanye nini? Nous devons trembler davantage. Na shi tunapashi kutetemeka zaidi. Si lui respecte. Kama ye Shetani yako na heshima. Na sisi tunapashi kuheshimu. Amen. Amina. Faites confiance à la Bible. Mutumainie Biblia. Faites confiance à Jésus-Christ. Mutumainie Yesu Kristo. C'est un Dieu vrai. Ni Mungu wa kweli. C'est un Dieu vrai. Ni Mungu wa kweli. C'est comme je vous le disais hier. Paka vile nalimiambia jana. La femme à Pilate, Bibi yake a Pilate, n'a pas pu dormir. Hashikuwezi kulala. La nuit. busiku mzima. Busiku busima frère. Toute la nuit mon frère. Analota kanya na pima kuno somnifère ba bibambike. Ah il a eu des cauchemars, il a essayé de boire des somnifères, ça n'a pas tenu, pourquoi? La parole était dérangée. Tu neno la Mungu bari zuru. On persécutait la parole. Marquana teso neno la Mungu. C'est ce que je vous ai dit. Njo pale mili niambia. Tu ne peux pas briser la parole. Hawezi kuvunja neno la Mungu. Et dormir tranquillement. Na ulale msalama. Hapana. Tu ne connais pas Christ. Wana amjue Kristo. Tu as commis adultère. On attend d'aboucharati. Et tu dors tranquille. Na unalala tu musalama. Vous vous êtes tiraillé mari et femme. Murikokotana bibi na bwana. Unalala tranquillement. Et tu dors bila shituka. Disait que Pilate était mishanga. Mais la femme de Pilate va s'étonner de vous. Tu désobéis à ton mari. Unakosa kumutii bwana yako. Tu dors tranquillement. Unalala tu musalama. Auyo Mungu. Là tu ne connais pas Dieu. Tu injuries ta femme. Unamutukana mke wako. Una longofia. Et tu dors. Na unalala musalama. Oh. Apan. C'est étonnant. Ile ni ya kushanga. C'est étonnant. Ni ya kushanga. La femme de Pilate va t'appeler et te demander, as-tu cru? Tu étais même baptisé? Uriamini? Tu as cru? Banakubatiza, nakubatiza. On t'a même baptisé? Unakuria dîme? Tu bouffes la dîme? Et puis unalala tranquillement? Et par après tu dors sans t'être inquiété? Tu te diras non, tu n'as pas encore cru. Tu te diras que moi je n'étais même pas croyant, je n'étais pas chrétien. Mais quand j'ai vu cette scène là, wakati miliona ile mambo, la révélation est tombée dans mon cœur. Ufunuo ile nguvu kwa moyo wako. Mais cet homme qu'on persécute, qu'on est en train de fouetter, huyu mtu mbeko napika fimbo na kuteswa, ye ndio Mungu. Et je n'ai pas pu dormir. Mishi kuweze kulala. Amen. Amina. Il y a eu un roi. Kulikuwa mfano mmoja. Un homme inconverti. Mtu ashipo kugeuka kuamini. Qui a sur base de ses ordonnances. Kufuatana na maagizo yake. Mpango ya Rebeka. Des ordonnances qu'il a prises. On a jeté Daniel dans la fosse au lion. Wanatupa Daniel mushimo ya simba. Ndio. Analuria anashindwa kulala. Il est rentré, il a eu des insomnies. Anasema non. Il a dit. Daniel est porteur de la parole. Daniel ndio mwenyeko na neno. Quelle parole? Neno kani? Du Dieu tout puissant. Ya Mungu wa uwezo. Kusikisi mna mkosefu. Il n'a pas pu dormir. Anakosa bushingishi. Il a manqué, il a eu des insomnies. Non seulement bushingishi. Pas seulement d'insomnie. Anakatala ta bibi ya mukaribie. Il a refusé même s'approcher de sa femme. Anakatala ta mpombe la ranza kufurahia kuna kunwa. Il a refusé même l'alcool qu'il prenait. Anasema je ne peux pas boire. Pourquoi? La parole est dérangée. Tu neno la Mungu bana yuzi kule bana yuzuru. Est-ce que Mungu nasikia? Avez-vous compris? Sauti ya Mungu iko dérangé. La parole de Dieu est dérangée. Mimi lale. Et que moi je puisse bien dormir. Il a dit non. Je ne peux pas dormir. Il y a cassé chérie, asema acha. La femme lui a dit chérie, non, allez, laisse, arrête. Bana vunja sauti ya Mungu. On brise la parole de Dieu là-bas. Mais nous comprenons que ça s'appelait chérie ici. Non. Daniel 6. Daniel sura yake ya sita. Moi je m'étonne des chrétiens d'aujourd'hui. On a l'offre au Kranissa. Tu t'absentes de l'église. On a vaqué mon kiosque, on osait chahouer. Tu restes dans ton kiosque en train de vendre pendant longtemps. Et puis vous savez qu'on a là le coalès. Et puis la nuit tu on a balou la macuta, on a fait un programme à Kesho. Contre l'argent, tu as même un programme de demain. Ah oui, c'est ma mungu anaweza kusimamisha mashi kwako busi. Tu ne sais pas que Dieu peut arrêter ta vie la nuit là. Ugonguvu. Tu es vraiment fort. Mais seulement au Congo, on a moins minifu. Tu es fort, mais tu n'es pas un chrétien. Daniel 6. Daniel Surayaki Asita. Verset 16. Moustari Akuminasita. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse au lion. Basi mufalme akaleta agizo bamulete Danieli na bamutume bamutupe mushimo ya basimba. Le roi prit la parole et dit à Daniel. Mufalme akachukua sauti na kumwambia Danieli. Daniel. Danieli. Mungu. Que ton Dieu. Unonombaka. Que tu sers. Na huku na dumu maneno ya Mungu. Avec persévérance. Ile maneno onesha kushika mumoyo wako. C'est que tu retiens dans ton cœur là. Que ce Dieu là. Qu'il puisse te venir en aide. Il était né de nouveau. Et tu alikuwa nishazaliwa mara ya pili. Il était baptisé au nom de Jésus-Christ. Alikuwa nishobatizwa mjina Yesu Kristo. Avait-il pris une fois la Sainte Cène? Et tu alikula kama za Bwana? Comment pouvait-il déclarer? Sasa namna kani alisema hivi. Croyait-il au message du temps de la fin? Et si yeye aliamini ujumbe wakati wa mwisho? Il n'avait aucune connaissance. Ashikwe na ufahamu hata kidogo. Il n'avait jamais été baptisé au nom de Jésus. Arkwe walu batizwa katamara moya mjina Bwana Yesu. Comment pouvait-il avoir une telle révélation? Sasa namna kani alipata ufunuo ya hivi? Mwana mie. Metwae mwa. Kape 5 ans. Kuna kwa miaka 5, miaka 10, miaka 15, miaka 12. On n'a pas une telle révélation. Atuna na ufunuo ya hivi. Dès qu'on a chamboula frère, on insulte les frères. Na on ongeza. Toi aussi tu ajoutes. On insulte la sœur. On ongeza. Toi aussi tu ajoutes. Et puis on a mushirikia na kumushirikia. Par après tu te fâches même contre lui. Kunyumba, tu rentres à la maison. Unalala na kushirikia. Tu dors tranquillement. Unaweka na mafrites pa meza na mayonnaise unakuria. Tu manges même des frites et des mayonnaise tranquillement. Hauna mtoto wa Mungu. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Huyu atakwambia sume hauna mtoto ya Mungu. Celui-ci te dira que tu n'es pas enfant de Dieu. Atakwambia hauna mtoto ya. Te dira que tu n'as jamais été enfant de Dieu. Beko na teswa mtoto ya Mungu na wona cheko na luro na lala. Oh, nous trage l'enfant de Dieu, toi tu rentres, tu souris même et tu dors tranquillement. Atasa hauna mtoto ya. Tu diras non, tu n'es pas enfant de Dieu. Yeri bi vivre. Mais celui-ci l'a vécu. Nana anangarasme Mungu wangu tafanini kwa. Non mon Dieu, que ferai-je? Huyu ni mtoto ya Mungu. Celui-ci c'est un enfant de Dieu. Hivi ni kunafanya ce que je fais ici. Niko na kombanisha ni Mungu. Je suis en train de combattre Dieu. Unakatala bwana ukitanda. Tu refuses au lit ton mari. Tu dors tranquillement à tel point. Très à l'aise. Le lendemain, tu viens même à l'église. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Toi aussi, il faut que tu dises que tu n'es pas enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu fais là? Qui est-ce qu'on a fait ici? Ton mari, Bwanaya, il vient adorer ici. Et il a pris même la Sainte Cène. Arikula mais toi à la maison, tu te comportes comme tu te comportes. Ce roi ici te dira que tu n'es pas un enfant de Dieu. Il te dira que tu n'es pas enfant de Dieu. Verset 18. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeûne. Akalala usiku mzima bila kula. Frère. Nduku. Unaenda kwa mupagano. Tu vas te marier à une païenne. Ukunalala lez. Tu dors très à l'aise là. Unavunja sauti ya Mungu. Tu brises la parole de Dieu. Ukunalala lez. Tu dors très à l'aise. Ukusir. Tu es sûr? Que enlèvement utende. Que dans l'enlèvement tu iras. Narukulanda. Qui t'a menti comme ça? Uru atakwambia sime. Ce roi te dira que. Namna gani? Tu as brisé la parole. Unavunja neno la Mungu. Moi j'avais brisé la parole. Mimi nilivunjaka neno la Mungu. Pourquoi? Juu ya nini? J'ai placé un enfant de Dieu dans une fosse au lion. Mimi niliwekaka mtoto wa Mungu mshimo ya basimba. En d'autres termes. Namna nyingine ya kusema. J'ai livré la parole. Nilitoa neno la Mungu. Au tourment. Mangaiko mateso. Et ce que toi tu as fait? Sasa wewe kile ulifanya? Tu as livré la parole au tourment. Neno la Mungu kumangaiko kumateso. Et tu es tranquille. Na unawakia msalama. Tu bois, tu manges. Unakula na kunywa. Alakini yeye. Na apeti na mukachika. Ah, il n'avait même plus d'appétit. Mungu akusaidi. Que Dieu te vienne en aide. Yana shindwa kuria. Lui a échoué de manger. Mungu unafunja sauti ya Mungu. Tu brises la parole de Dieu. Unakuri. Tu manges même. Tu as de l'appétit. Christianisme amulaudissait. Di Cristo che amulaudikia. Unalanda. Tu mens. Ukupaka na kuria. Tu continues à manger. Et tu fais la prière. Et tu viens même à la prière. Mungu akusaidie. Que Dieu t'aide. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui. Ashukaribie babibi yake. Frère. Nduku. Barua ba zamani. Les anciens rois. Ni leo eko na aka jeune fille. Aujourd'hui la fête jeune fille. Le lendemain chez une autre. Le jour prochain une c'est autre. La vie des rois. Je veux quoi maisha bafane. Mais angalie les siku. Mais regardez ces jours-là. Naamu banamuke na mutoka. Il n'avait même pas d'appétit de femme. Pourquoi? Dieu a nini? La parole est dérangée. Dieu neno la Mungu bana izuru. Alakini weye. Moi et les frères. Nduku na dada. La parole est dérangée. Neno la Mungu bana izuru. On ronfle même. Unongoloma umbushingishi. Es-tu chrétien? Pas. Non. Face à ce roi, qu'est-ce que nous allons dire? Bele ou mufalu me tout assez manini. On n'est pas correct. Atuna sawa. On a shimanga va frère. Tu critiques des frères. Tu critiques des sœurs. On enda. Tu vas. On a lala na kula. Tu dors tranquillement. On a kachika. Le lendemain. Apana. Non. Bintu avina sawa. Les choses ne sont pas correctes. Les choses ne sont pas correctes. Même Judas. Attends, Judas. Il te dira non. Judas, yeye. Il avait beaucoup pleuré, mais c'était déjà trop tard. Et même l'argent qu'on lui avait donné, il a dit non, je vais le remettre. Il a remis l'argent. Mais toi, on a jonglé, on a pas tant de makuta. Tu triches, tu as même l'argent. On ose en a 6 pieds, 6 boutons. Tu payes même les vestes à 6 boutons, les mokotos. Tu viens à l'église. Comment as-tu eu cet argent? Tu connais? Ouais, bon, on a eu. Dime à Mungu, uripe. La dîme de Dieu, tu ne payes pas. Tu payes la farine. Et tu viens à l'église. Nous commençons à chanter. Toi aussi, tu te tiens debout, tu tapes même les mains. Judas te dit, c'est pas possible. Judas te dira, iwezekane. Tu vends la parole. Unauzisha neno la Mungu. Et tu viens adorer. Kisha unakuwa kuabudu. Moi, c'est pas pire. Mishikuwezake. J'avais remis même l'argent. Je ne t'ai même pendu. Comment le Seigneur vous supporte vous? Namuna kanibona Mungu anakufumilia wewe. C'est très grave. Inakuwa ya hatari. C'est très grave. Ni hatari. Daniel chapitre 5. Daniel sura yake ya 5. Angare au roi huyu. Regardez ce roi ici. Bile bintu arionaka, les choses qu'il avait vues. Feti inakachika. La fête s'est arrêtée. Yenge organisa ka feti. C'était lui qui avait organisé. Banamuke full. Il y avait beaucoup de femmes. Benye kubala masouvetma. Habillé en souvetma. Bombe. La boisson. Pamesa. Sur la table. Toza komela, toza kulia. Tukuna kunywa na kula. Tukuna kunywa na kula. Mukachikachi ya feti. Au milieu de la fête. Anaona mkono mwena njiko tuwa. Il voit une main en train d'écrire au mur. Mene, mene, tekel, ufarisim. Ah, les rois, ils des vertiges. Ma côte n'a l'équerre. Eh, les genoux ont tremblé. Mais tout ce que toi tu viens entendre chaque jour. C'est Dieu qui te dit. Ni Mungu le konakwambia. Tu es pesé. Banakupima. On te pèse. Banakupima. Chaque jour. Kila siku. Mais. Alakini. Dieu regarde. Mungu anangalia. Tu ne peux pas aller dans l'enlèvement. Autenda mukunyanyuliwa. Nguvu ingari na we. Mimi nakushanga. L'autre là, Uyuye, on l'a pesé, mupima, on l'a évalué, mwepu, Dieu a dit, Mungu anasema, il ne peut plus vivre encore. Ah, weze tena kuishi. Ou on a landa, mais toi tu on avait vendeni, tu emprunt, on a landa, tu trompes, on a landa, tu trompes, moi c'est naïs, on a landa, il n'allait pas, on a landa, moi qu'a dit, tu trompes, une deuxième année. Tu as toujours la force. Mais ce roi va douter. Il dira non, toi tu ne connais pas Dieu. Tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas chrétien. Daniel 5. Daniel sura Keatano. Alors, verset 3. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Basi wakaleta vyombo vya zahabu vile walitosha mwekalu mnyumba ya Mungu. Le roi et ses grands, ses femmes, ses concubines s'en servir pour boire. Mufalume na batu yake bakubwa babibi yake bakatumia vyo juu ya kunywa. Unekala tu t'assois. Ba comédiens ba kulubumbashi beko na imité. Les comédiens de Lubumbashi sont en train d'imiter les pasteurs. Beko na imité vile mukanisa binekala beko na. Ils sont en train d'imiter comment ça se passe dans l'église. Tu es là en train de rigoler. Celui-ci c'est son associé. L'autre, les autres sont des diacres. La femme du pasteur est là. C'est quoi ça? Ni, ni, ni, le. Ce sont les vases du temple. Ni vyombo vya mwekalu. Et on s'en moque. Na bana bichekeleya. Toi tu as même des flashs et des vidéos dans ta maison. Wewe kuna ma flash na ma video munyumba yako. Unabifuata. Unacheka sana. Voilà, tu souris là, tu ris. Tu es comme celui-là. Ukusawa huyu. Ce qui lui est arrivé. Il est rimufikia. Comment toi tu es encore en vie? Sasa na muna kani mwongo ngali kimshima. Mais lui la même lui là, il est mort. Ye paka bule bushiku mwamwa alikufa. Mungu akushikire bulu. Que Dieu ait pitié de toi. On a fait de ma théâtre. Tu es en train de suivre le théâtre. Comment on imite les pasteurs? Bah, diacre. Des diacres. Bible. On prend même la Bible. Comment on l'appelle le monsieur qui porte le rouge tout le temps là? Manseba. Ah, tu regardes les Manseba. Il prend la Bible. Ah, la même Biblia. Il fait ça. Il joue serviteur de Dieu. Biriona ya mubisi ya munjia ya mulikap. Ya mulikap. J'ai dit que cet homme-ci, Dieu ait pitié de lui. Il avait la Bible comme conno. Il avait la comédie. Il avait la Bible. J'ai dit, où est-ce qu'il prie ce monsieur-ci? Il fallait que je parle à son pasteur. Il fallait que je parle à son pasteur. Il fallait que je parle à son pasteur. Cheza michezo yote, lakini bia mungu apana. Il avait la Bible. Fanya michezo kufatirisha. Yenjo mumusome Daniel 5. Mwende mumusome Daniel sura 5. Ila anabamba kumukono ile. Ni kutakatifu. Eti unaweza kucheza na vitu takatifu juu ya kupata franga? Kama kuku mtu ula anamjua, mwende mukamwambie. Retire toute ces comédies là. Tu peux jouer à autre endroit, mais pas dans la Bible. Mbele avant tout bote, qu'il se repente. Sinon tu iras en enfer. Kama aina vile utenda mumoto. Que le Seigneur vous bénisse. Verset 5. Mustari atano. En ce moment, mwile wakati, apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier na ikaandika mbele ya kinara, sur la chaux de la muraille fa ukuta, du palais royal ya nyumba mufalme. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Na mufalme akaona ile nchongo. Alors le roi changea de couleur. Basi mufalme akabadilisha rangi. Et ses pensées les troublèrent. Na mawazo yake kafurudika. Les jointures de ses reins se relâchèrent. Viungo ya mifupa yake vikalekea. Et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Na magoti yake kalekea moja kwa ingine. La fête s'était arrêtée. La fête s'était arrêtée sur place. On a laissé toute la boisson sur la table. Ils ont été dispersés. Tout le monde s'était dispersé. Qu'est-ce qu'on cherchait? Qui peut nous donner l'explication? Nini a tout fait ma facilité à imandiko. Il n'y avait personne. A quoi mutu? Il n'y avait personne. A quoi mutu? Maintenant toi, unekana, tu t'assois, weye, toi, bibi yako, ton épouse, batoto yako, tes enfants, munacheka, vous rigolez à l'éclat. Unone vifetu mwilifanyika. Voyez-vous comment la fête ici se passe? On t'amène même les foufous et des puisses poulets de l'église. Remettez d'abord cette partie là où Manseba s'est fait pasteur. Oui. C'est vrai. Tu veux aussi une écriture sur la muraille de ta maison. Na wona penda waandike pa ukuta ya nyumba yako? Wanakona mashikashiki kile roho. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit à l'église. Mungu anakupa mamoyen. Dieu te donne assez de moyens. Unauza na écran plat. Tu payes ton écran plat. Uko na possibilité kufanya na ma abonnement. Tu as même la possibilité de payer les abonnements. Unauza na ma flash. Tu payes même des flashs. Mettez-y les cantiques de Dieu ainsi que des prédications. Mais toi tout cela. Des choses que Dieu considère que comme tu as cru sont sacrées. Bile mungu yako naona sima njomi kutakatifu. Comme tu as cru. A vile uriamini. Tout est bien. Bintu biyako biyote. Sont sacrées, sont pour Dieu. Binapash kwa takatifu na vienyi kutolea mungu. Et toi, alakini weye, tu prends les choses sacrées, unabeba bintu takatifu, pour en faire des choses des démons. Jua kubifanya yumi na kwa bitu ya mademona. Arrêtez ça. Uvishimamishe. Arrêtez ça. Shimamisha bile. Nous, sisi, nos maisons, manyumba yetu, nos biens, bintu yetu, notre argent, feza yetu, sont consacrés au Seigneur. Ni vyenye kumutolea Bwana Mungu. Nos téléphones. Ma téléphone est consacré au Seigneur. Il n'y a que mutolea Bwana Yesu. 1 Corinthiens chapitre 6. Wa Korinto wa kwanza sura 7. Sura 6. En Corinthiens chapitre 6. Wa Korinto wa kwanza sura yake ya 6. Verset 19-20. Mustari ya 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Amujua kwamba mwili yenu ni hekalu ya Roho Mtakatifu yenye kwa ndani yenu. Que vous avez reçu de Dieu. Ile mlipokea toka Mungu. Suivez maintenant. Mfuate sasa. Et que vous ne vous appartenez pas. Na kisha amuna mwevenye. Mnamuna ingine ya kusema. Vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez depuis qu'on vous a baptisé au nom de Jésus. Amuna uru ya kufanya vile munapenda tangia bali mbatiza mjina Yesu Kristo. Tangia bali mbatiza mjina wana Yesu Kristo. Amuruhusiwe kufanya na matele yenu vile munapenda. Amuruhusiwe kufanya maandroide yenu vile munapenda. De vos flashs, ce que vous voulez. Amuruhusiwe kufanya maflash yenu vile yote munapenda. Amuna tena uru. Vous ne vous appartenez pas, ça veut dire vous n'êtes plus libre de faire ce que vous voulez. Amuna tena babe mwebe nyewe manake amuna uhuru ya kufanya bile munapenda. Vous appartenez au Seigneur Muko Jésus Christ. Muko Bwana Yesu Kristo. Car Kwani? Vous avez été racheté un grand prix. Murinunuliwa na bei mkubwa. Que devez-vous faire? Munapashu fanini? Dans votre vie, mu maisha yenu, tout ce que vous voulez faire, ile yote munapenda kufanya, que cela donne gloire à Dieu. Ipate kuleta utukufu kwa Mungu. Vous voulez suivre un film? Munapenda fata film fulani? Que ça soit pour la gloire du Seigneur Jésus Christ. Ikwe juu ya utukufu ya Bwana Yesu Kristo. Maintenant les séries télévisées donnent gloire à Jésus. Eh, sasa ma série télévision, ikunaleta utukufu kwa nani? Mujibu. Ma série télévisée. Ma match à ma Chelsea, ma Zembe wana bingine bingine. Si, dans la, est-ce qu'ils disent si fa kwa Bwana? Est-ce que c'est comme ça qu'ils disent? Voyez-vous? Non. Voyez-vous? Hapa niko nasema mukubale njo ma chaîne préférée ya. Pendant que je parle, il y en a ceux-là, ce sont leurs chaînes préférées. Donc ma chaîne va nous attaquer sans nom. Et alors? Pardon? Où t'as fait qu'à wapi mumambo ya mungu? Ah, où est-ce que tu en arriveras avec la parole de Dieu? Glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit, qui appartient à qui? Yawakasaya. Et si je vire, votre corps, yenu, votre esprit, royenu, observera les traditions kasaïennes. Itachunga kikabila kikasai. C'est vraiment honteux. Votre corps, yenu, votre esprit, Rome takati royenu, observer. Ina pashi uchunga. La parole de Dieu. Paka neno la Mungu. Si vous faites autre chose, kama unafanya kitu kingine, hauna Mkristo. Tu n'es pas un chrétien. Tu ne connais pas Jésus Christ. D'où Jésus, c'est ça la parole de Dieu. Oui. C'est quoi alors? C'est la parole de Satan. Voyez-vous? Mais tu as déjà mangé à la Sainte Seine. C'est juste une témérité. Et toi là qui n'étais pas venu. Donc tu continues. Manaki à donner gloire à Satan. Kuleta sifa na utukufu kwa Shetani. Et alors que fais-tu tous les jours ici? À la Sainte Seine tu n'es pas venu manger. Maintenant que fais-tu? Que fais-tu? Parce qu'ici il y a des gens qui doivent aller au ciel. Toi, que fais-tu ici? T'es préparé, tu ne te prépares pas. Maintenant, qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu es infiltré? On a dit une guise à tout. Tu es un infiltré. Tu es un espion de Satan. Manake, huku mupelelezi wa shetani. Jude. Jude. Chapitre 1. Sura ya kwanza. Jude, c'est avant l'Apocalypse. Jude ni mbele ya ufunuo. Ah, uyo atapa si Jude. Tu ne connais même pas là où se trouve Jude. On a quand même dans l'Ancien Testament. Te voilà allé dans l'Ancien Testament. Shonon. Voyez-vous? Sainte-Sainte, au courrier. La Sainte-Sainte, tu n'as pas mangé. Auna, la Bible, tu n'as même pas. Auna. Tu n'as pas de cantique. Oui, pas kakambanemba mimbo à Bayuda. Toi, c'est seulement lorsque tu chantes les chansons de Bayuda. C'est alors que tu as l'onction. Jude, chapitre 1, verset 3. Jude, sura ya kwanza mustari ya tatu. Lisons tous. Tu sommes chibot. Ce que tu viens faire, t'es préparé, tu ne fais pas. La Sainte-Sainte, tu ne viens pas. Maintenant, qui es-tu? Tu es chauve-souris. Tu es chauve-souris. Tu n'es même pas du côté de souris. Tu n'es même pas du côté de oiseau. Il faut avoir une bonne position stable. Car Wani? Il s'est glissé parmi vous certains hommes. Unesha dingiza katikati yenu bantu ba moya. Bantu ba moya. Certains hommes. Qu'est-ce qu'ils font? Bego nafanya nini? Sainte-Sainte abakouille. A la Sainte-Sainte, ils ne viennent pas. Mais ils sont là. A la kini beko wako tu. Maintenant, il faut se demander, qu'est-ce que vous faites? Unafanya. Que fais-tu? Vous vous êtes glissé comme un espion, pourquoi? On a jingiza ça wa mupelelezi Dieu. Pourquoi veux-tu jouer un rôle comme ça? Dieu a dit nous napenda kucheza michezo ya hivi, kazi ya hivi. Mukia kwenu uko am. Dans ta tradition, te voilà. Mu kanisa unakui. Encore à l'église, tu viens. Baba kata vya kanisa, kuriaka na sensen au kuri. Respectez les normes de l'église, mange la sainte sainte, tu ne viens pas. 100% mukia kwenu au bati. À 100% dans ta tradition, tu ne restes pas. Duku. Il faut avoir de la sagesse. Il faut être intelligent. Il faut savoir choisir. Ça, c'est être M23 dans la parole de Dieu. Un rebelle. Ça, c'est être rebelle dans la parole de Dieu. Ce sont des hommes, ils se glissent toujours, comme des serpents. Ils se glissent encore. Dans sa tradition, on a djingis à Motena. Tu pas na. Non. Non, c'est pas correct. C'est la maladie de cet âge. Dieu m'a gonjoa hiki zaki. Ni chaud, ni froid. Ana wala baridi, wala moto. Il est toujours là au milieu. Eko tu fakatikati vugu vugu. On dit que le Seigneur te vomisse. Pari ya bwana Mungu akutapike. Mais prends une décision même ce soir. Uchugwe mipango ata mangaribi ya leo. Prends une décision ce soir. Uchugwe mpango mangaribi ya leo. Bwana mbariki. Que le Seigneur vous bénisse. Tukuna koneshe mambo yote. Aba atu ya tushe ata kuba bale bari mwamini Mungu. Nous te disons tout ceci. On n'a pas encore touché à ceux-là qui ont crié. Tukuna bewa paka ma déclaration à Satan. Nous prenons seulement les déclarations de Satan. Du Seigneur. Bele ya bwana Mungu. Satan lui, Shetani yeye, il tremble devant le Seigneur. Eh, on a tetemé quand belle à bwana. Tu ne trembles pas. Ça, oui, Dieu est nina au tetemé. Tu ressembles à quoi? On a fanana na nani? Il y a eu un roi dans la vie, dans ce monde ici. Kulikuwa mfalme mmoja mu dunia. En Égypte. Mu Misri. Elimelech. Elimelech. Abimelech plutôt. Abimelech. Frère. Duku. Anakotola nenda kubeba Sara. Il a commis l'erreur, il est allé prendre Sara. C'est quoi? Ni nini ile? Il a dérangé la parole promise. Ariuji neno yenye kulakiwa. Ya malako. Message du temps. Ujumbe ya wakati. Lui dérange. Ya anaenda kuyuji, kuizuru. Busiku. La nuit. Busingisi burumukosi. Ay. Il a eu de l'insomnie, il n'a pas pu mais dormir. Mais toi? Alakini weye. Dans le message du temps. Ujumbe wakati wa mwisho. Tu brises cela. Unavunja neno la Mungu. Tu dors. Alakini unalala musalama. Genèse. Mwanjo. Genèse 20. Mwanjo sura makumi mbili. Je suis un exemple comme il t'a conseillé. Je ne sais pas si tous ces exemples ici vont t'aider. Sinon, mais comment ni courons nguvu hivi hapa barua barikuwa karu nguvu mais banalekea. Il faut te demander pourquoi tu es si dur pendant que ces rois qui étaient durs étaient devenus tendres. Sulekea ekonawe. Sois aussi tendre. Genèse 20. Mwanzo sura makumi mbili. Verset 1, on commence. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadesh et Shur et fit un séjour à Gerar. Abraham akatoka pale na kwenda mujimbo ya Midi na kuikala pale katikati ya Kadesh na Shur akafanya pale. Abraham disait de Sarah sa femme, c'est ma sœur. Abraham alikuwa naita Sarah mke wake kwamba ni dada yake. Abimelech, roi de Gerar, fit enlever Sarah. Abimelech, mufalme wa Gerar, akamupeba Sarah. Regardez, ici le nom avait déjà été changé. Ce n'était plus Sarai, ce n'était plus Abraham. Tazameni hapa njina barakuwa nesha badirisha, ashikuwa tena Sarai, anakuwa Sarah. Ashikuwa Abraham, anakuwa Ibrahim. Qu'est-ce que c'est? Ninini ile? Le porteur de la promesse. Mwenye kubeba malako. La parole du jour. Neno ya siku. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit. Basi Mungu akamonekania Abimelech mundoto usiku. Et lui dit, na kumwambia, tu vas mourir. Utakufa. Pourquoi? Dieu a nini? Tu oses déranger la parole promise. Ukuna uji neno ya malako. Tu brises la le message du temps de le message biblique. Ukuna vunja ujumbe ya biblique. Tu vas mourir. Utakufa. Frère, Nduku. Il était né de nouveau. Et tu as la mère à pile. Et tu vas nous baptiser au nom de Jésus-Christ. Mais toi, à laquelle vous êtes baptisé au nom de Jésus-Christ. Moi, je baptise au nom de Jésus-Christ. Dans la parole promise. Muneno ya malako ya siku. Il était dans la tente de l'enfant promis. Barquoi na chunga mtoto wa malako. Et nous, on est dans la tente du fils promis. Si c'est tout kuchunga mtoto wa malako. Dieu ici. Mungu hapa s'adresse à ce monsieur là. Anamwambia huyu bwana. En lui disant quoi? Kumwambia nini? Ce que tu fais. Hivi huko unafanya. Tu vas mourir. Utakufa. Mais toi? Sasa wewe? Je vais se taire. Mungu atekala kimya. Ces choses ont été écrites. Hivi vitu baliviandika. Pour nous servir d'exemple. Jubi tusaidie sawa mfano. Que quiconque dans cette assemblée. Yeyote mu kanisa. Brise ce message. Kama anafunja huyu ujumbe. Yetini ce message. Yeye anakanyanga huyu ujumbe. Mais brise ce message. Anabeula huyu ujumbe. Brise ce message comme un jouet. Anabeba huyu ujumbe sawa kichezesha. Il va mourir spirituellement. Atakufa mukiroho. Je ne veux pas dire même physiquement. Si tassema, parce que tassema, non. Frère José, vous maudissez les gens. Tassema, mzee José, unaanza kulaani watu. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, verset 4, répondit. Abimelech, ule asikumkaribie akajibu. Verset 6. Msari asita. Dieu lui dit, Mungu akamwambia mundoto, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Najua kwamba ulitenda na moyo safi. Ulikuwa ubali kujua mambo ya Mungu. Tu n'avais pas, tu ne connaissais pas encore la parole de Dieu. Je parle au kukure sainte. C'est pourquoi tu n'as pas mangé à la sainte. Je parle qu'on a fanyé bibiote qu'on a fanyé. C'est pourquoi tu fais tout ce que tu fais. Je parle au mambo ya Mungu. C'est parce que tu ne connais pas encore la parole de Dieu. Je parle Mungu anakuacha na leo kumshinda. C'est pourquoi Dieu t'a laissé jusqu'à aujourd'hui tu es vivant. Maintenant hapa sasa huku nashikia mambo ya Mungu. Maintenant que tu écoutes la parole de Dieu. Après cette réunion. Kisha mkusaniko. Tu rentres dans les traditions. Unarudia tena mkia kwenu. Tu as signé mort. Pale unatia saini kufa kwa. Tu vis dans les soumissions. Unaishi mkutokuti. Tu as signé ta mort. Pale unatia saini kufa ici, kwa. Ici, hapa, il ne comprenait rien. Hapa yeye asikuelewe kitu. C'est pourquoi toi aussi, je commande na wewe. Tu agis comme tu agissais là. Ulitenda vile ulikuwa natenda. Grâce à Dieu. Nema kwa Mungu. Il dit tu ne comprenais rien. Ah, Mungu anasema juu haukuelewe kitu. Na après cette réunion. Sasa kisha mkusaniko. Tout acte que tu veux poser. Tendo yote ile utapenda kutenda. Viens voir les sacrificateurs établis en ces lieux. Kwa muone mkuani mwenye kuwekwa kwa ifa. Mungu anasema pasteur, mimi naweza kufanya hivi. Pose lui la question est-ce que je peux faire ceci? Selon la parole ce qu'il faut faire. Akuambie kufuatana na neno la Mungu kiawe kufanya. Amen. Amen. Kuna c'est fini. C'est comme ça que Dieu parle. Dieu vile Mungu yuko nasema. Croyez-vous que c'est le Saint-Esprit qui vous parle? Mnaamini kwamba Roho Mtakatifu na miambia? Tu veux poser un acte, ma soeur. Tu veux poser un acte, ma soeur. Même si ton mari est détraqué. Tu veux agir. Viens voir l'homme que le Saint-Esprit a établi pour nous. Demande un conseil. Qu'il te dise ce qu'il faut faire. C'est ce que Dieu a dit à cet homme. Va vers mon serviteur. Et qu'il prie pour toi. Pour ôter la malédiction. Lisez la suite. C'est ce qu'il a fait. Il est allé vers Abraham. Ibrahim. Abraham a même prié pour lui. Ibrahim a rimombeya. Et Dieu l'a épargné. Na sasa weye, maintenant toi, kuna mambo, tu as des problèmes? Na ma dossier, tu as des dossiers? Ah, pasteur atafanya nini? Qu'est-ce que le pasteur fera? Mzuri, ça va, c'est bien. Pour savoir ce que Dieu est, regardez dans le passé. Comment a-t-il agi là-bas? C'est comme ça qu'il agit aujourd'hui. Si là-bas quelqu'un qui était ignorant, kama kule mutu asikujue kitu, Dieu l'a renvoyé vers son serviteur. Mungu anampeleka kwa mtumishi wake. Le même Dieu, Mungu moya moya pour ule, les ignorants d'aujourd'hui, il agira de même. Atatenda namna moya moya. Comment faire? Ni kufanya je? Allez voir mon serviteur. Wende ulize mtumishi wangu. Amen. Amen. C'est clair, non? Iko wazi. C'est clair. Sibiko wazi. Tout ça pourquoi? Ibi vyote jia nini? Nous devons savoir le Dieu à qui on a affaire. Tunapashi kumjua ole Mungu mwenye tuko naye. Le Dieu, l'auteur de cette œuvre ici, Kambos Tabernacle. Mungu mwanzishi wa hii kazi kanisa Kambos. Le Dieu, Mungu, pour lequel tu as accepté de te faire baptiser en son nom. Mwenye ule uritikia wa kubatize mujina yake. Nous devons bien le connaître. Tunapashi kumjua mzuri. D'après Satan, kufuatana na shetani, il a dit, alisema, je connais Jésus. Mina mujua Yesu. Je le connais. Mina mujua. Mais Satan ne croit pas. Sasa shetani ya shamini. Mais toi tu crois. Wewe unaamini. Tu t'es même fait baptiser. Bana kubatiza kubatiza. Tu dois mieux le connaître. Unapashi kumjua mzuri. Pourquoi? Juu ya nini? Il est censé être ton père. Juu anastahili kuwa baba yako. Amen. Amina. Il y a un mois. Kuna kwa mwezi moya. Toutes les autorités de la place ici. Benye mamlaka bote ba Mkambof. Connaissez Ngoi comme pasteur. Bali mujua Ngoi sawa pastori tubule. Toutes les autorités de la place. Benye mamlaka bote ba pali. Connaissez Kilolo comme un agent de Rashka. Bali mujua Kilolo sawa mufanyakazi wa kudera Rashka tubule. Toutes les autorités de la place. Benye mamlaka bote ba pali. Connaissez Gimbayo comme agent cadastre. Bali jua Gimbayo sawa mufanyakazi wa cadastre. Mais depuis une semaine. Kuna kwa juma mzima. Ils doivent apprendre à comment se conduire vis-à-vis de Gimbayo. Banapashi kujua namna kani ya kujongoza mbele ya Gimbayo. Vrai ou faux? Aina vile, njo vile. Pourquoi? Juyani. Il est revêtu d'une autre qualité. Ah, anavuikwa na mamlaka ingine. Amen. Amina. Ils doivent comment se comporter? Même si l'OPJ du parquet. Ataka ma OPJ wa parquet. Pouvait avoir un mandat d'amener. Anapata mandat d'amener. Ni kwa nani? C'est chez qui? Quoi? Gimba. C'est qui? Quel Guy? Chef. Tout est non, non, non, là-bas, non, on ne va pas aller là-bas. Ça, la nature Asili nous enseigne. Et dans les choses de Dieu, nous devons tirer beaucoup de leçons. On doit savoir qui on a affaire. C'est les autorités de la place. Kama venye mamlaka ba pali. Pas seulement de la place. Aina paka ba pali. De la province. Ba mujimbo. Pas seulement de la aina province. Paka jimbo. Du pays. Ba inchi mzima. Pas seulement du pays. Ba même à l'étranger. Ata kuminje ya inchi. Un chancelier congolais. Chancelier mkongomani. Tous les Congolais, mettez-vous ici en ligne. Ba congolais bote musima meapa. Le policier sud-africain regarde. Policier ou Afrique du Sud, c'est ah oui, apparemment. Ça va, monsieur. Ah, Pita, eh, moi, ouais, Pita, ouais, Pita, Pita. S'il vous plaît. Eh, Congolais, mettez-vous ici. Eh, moi, va Congomani, musulman, mais. Pourquoi? Dieu a nini? Ils savent. Banajua, à qui ils ont affaire. Ni muntu kani, c'est un homme respectable même dans son pays. Ni muntu mheshimiwa hata mwinchi yabo. Maintenant, on ne doit pas les traiter comme tous les Congolais fraudeurs. Hatuwezi kumutendea sawa wa Kongomani bote bezi. Ye mwenyewe. Ashezi kuibia ye mwenyewe. Vous comprenez? Munaelewa. Maintenant prenons ça. Sasa tubibebe. Dans le spirituel. Tubiweke mukiro. Tu te fais baptiser. Pana kubatiza. On amine, mine amine. Tu crois? Oui, je crois. Vivra comme Isa et Neno la. Maintenant, menez la vie digne de la parole de Dieu. Una seretika, tu commets adultère, tu voles, una simanga, tu critiques, una tu te fâches contre quelqu'un, vous vous bagarrez dans la maison. Mais à partir du moment où la chose t'est connue, il est qui tu bana kujulisha yo, change de comportement. Badirisha sasa namna ya kujiongoza. Parce que tu connais Dieu, sasa unajua Dieu, Mungu. Pour lequel tu t'es fait baptiser. Mwenye ule uritikia ba kubatize. Ubadilishe namna kujiongoza. Tu sais maintenant qui tu as affaire. Unayua sasa ni nani ule uko naye. Amen. Amina. Tu connais qui tu as affaire. Unajua ni nani ule uko naye, mwanamke wala mwanaume. C'est comme je disais hier. Paka vile nalisema jana. Satan, Shetani, ne peut pas nous dépasser en connaissance. Ashezi kutushindia mufamu. Ni en révélation. Wala mufunuo. Nous on doit mieux connaître. Si tunapashi kujua sana. Notre Dieu, Mungu wetu. Notre sauveur. Mwokozi wetu. Et Satan. Kumushindia Shetani. Si lui tremble. Kama yeye kunatetemeka. Nous on doit bien connaître notre Père. Si tunapashi kumjua mzuri baba yetu. Amen. Amen. Nous, on doit bien le connaître. Si tu n'as pas su mujua mzuri. Plus que Satan. Kumushindia Shetani. Pourquoi? Dieu a nini? Satan sait. Shetani anajua. Qui il a fait? Ya kwamba ni mtu kaniuni kunai. Nous aussi. Na sisi nous pia. Nous devons mieux savoir. Tu n'as pas su mujua mzuri. Avec qui nous parlons? Ni nani ule tuku naongea naye? Satan. Shetani. Sait. Anajua. D'après l'écriture. Kufuatana na maandiko. Et il respecte beaucoup ça. Na yeko neshimia yo sana. Il sait que. Anajua ya kwamba. Depuis Golgotha. Tangia Golgotha. J'ai été dépouillé. Bari ni vula biote. Nishina na nguvu. Je n'ai plus de force. Satan sait ça. Shetani anajua vile. Maintenant les enfants de Dieu. Sasa batoto ya Mungu. Eux doivent mieux savoir ça. Boba napashi kubiyua mzuri sana. Que depuis Golgotha. Ya kwamba tangia Golgotha. Satan n'a plus de droit sur nous. Shetani ana tena na ruhusa yuli yetu. Amen. Amena. Si lui sait. Kama yeye anajua. Que depuis Golgotha. Ya kwamba tangia Golgotha. Il a été dépouillé. Bari munyanganya vyote. Mais maintenant les enfants de Dieu. Sasa batoto ya Mungu. Soro. Batayua nini? Plus que lui. Kumushindia Shetani. C'est comme si les gens n'ont pas bien compris. La Bible dit. Biblia nasema. Dans Genèse 3, verset 15. Mumwanjo tatu kumi na tano. Que la postérité de la femme. Ya kwamba uzao ya mwanamke. Écrasera. Itaponda. La tête du serpent. Kichwa ya nyoka. Et depuis Golgotha. Natangia Golgotha. La tête du serpent. Kichwa ya nyoka. Qui est le serpent? Nani nyoka? Ni Shetani. Comme on est dans mon bébé, c'est un élève aussi. Si vous allez dire, oui, personne, en vous, tu as encore la force. Il dira, celui-ci, c'est un insensé. Il ne connaît pas Dieu. Satan dira, celui-ci, c'est un insensé, il ne connaît pas Dieu. Les serpents pour qui la tête est écrasée. Vous ne pouvez pas. Nyoka frère, tu continues à craindre. Faites attention. Oh, serpent, faites attention, il y a un serpent. Où est le serpent? Les voici, il n'a plus de tête, la tête est écrasée. Mais tu continues à les vanter. Non seulement que mutapa. Ah, il n'a pas que mutapa. Tu obéis. Na muti. Iba, una iba. Vole, tu voles. Apana kuripa dimu, ne paie pas la dîme, tu ne paies pas. Saratika, una saratika. Commets adultère, tu commets adultère. Apana kwa soumise, ne sois shika. Pas soumise, tu acceptes. Qu'est-ce doit dire Satan? Shetani atasema nini? Insensé. Huyu ni mtu mjinga asijue. C'est ça? Ndio vile. Est-ce que c'est vrai? Eti ndio vile? Oui. Ndio. Sasa ngarabi leo unafanya. Mena regarde ce que toi tu fais. Qu'est-ce doit dire Satan? Shetani atasema nini kwako wewe? Que tu es chrétien? Ya kwamba uko mkristo. Jezi kasai uko amu. Na tradition kataeni tu es là. Satan va dire quoi? Satan atasema nini? Insensé. Mtu mjinga. politique ou quoi? Siasa, voilà. Quel doit dire Satan? Shetani atasema nini? Parce que la politique est du diable. Du siasa ni ya shetani. Quel doit dire Satan? Shetani atasema nini? Tu es insensé. Huku mujinga ujue. Tu es insensé? Huku mujinga. Bwizi ou quoi? Dans les vols, te voilà. Quel doit dire Satan? Shetani atasema nini? Huku mujinga. Tu es insensé? Huku mujinga. Matthieu 28, verset 20. Matthieu, makumi mbili na munane, mstari ya makumi mbili. Matthieu 28. Matthieu, makumi mbili na munane. Non, non, verset 18, pas 20, pardon. Makumi mbili na munane, kumi na munane. Verset 17, on commence par là. Mstari kumi na saba tuanzie pale. Quand les disciples virent Jésus, wakati ile wamitume walimuona Yesu, ils l'adorèrent, bakamwabudu, et mais quelques-uns eurent des doutes. Alakini bamoja bakakuwa na shaka. Ndio pa gavi vinekala kwa mkanisa. C'est comme ça que ça se fait toujours dans l'église. Aba ba douteur abo. Ces douteurs ici, ndio pa kuba mingi. Ils sont très nombreux. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Yesu kisha ukaribia akawaambia hivi. Ça c'est après la résurrection. Hii ni kisha ufufuko wake. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Uwezo yote wala mamlaka yote ilinipewa pa dunia na kumbingu. Posons la question à Satan. Tumuulize Shetani. C'est la vérité ou c'est faux? Eti ni vya kweli au ni vya bongo? Satan vous dira c'est la vérité. Shetani atamwambia sema ni vya kweli. Mais vous direz c'est faux. Lakini mimi mtasema ni vya bongo. Sasa sawa frère, c'est la vérité. Dira ndugu ni vya kweli. Si c'est la vérité. Kama ni vya kweli. Bashara babe kuna takata, c'est la vérité. Les sœurs ici qui éclaircissent la peau, est-ce que ni vya kweli? Aba ba sœur bana takata. Les sœurs ici qui ambifient la peau. Tout pouvoir est entre les mains du Seigneur. Uwezo yote kumikona Bwana Yesu Christ. Pale mimi kuna takata, c'est la preuve que vous dites que c'est faux. Lorsque vous éclaircissez la peau, ni hakikisho asema ni vya bongo. Si c'est Jésus, kama ni Yesu, qui a la décision je mwenye kwa na mpango, sur la terre padunia, et au ciel na kumbingu, de faire quoi? Ya kufani, de faire mourir ya ku, et de faire vivre. Ya kuishi, ya kufanya mtu akufe wala aishi. Manake ni vya kweli. Bila iko nasema muibiti. Sasa pale mimi unatakata. Mais na lorsque vous détériorez la peau. Vous êtes des douteurs. Mukuba kushakia. Vous êtes des douteurs. Mukuba kushakia. Satan lui sait reconnaître ça. Shetani yeye anayua ile. C'est pourquoi quand il est en face de Jésus, yuko maana wakati akikutana na Yesu, il tremble, yuko natetemeka, et il cherche comment s'enfuir. Na yuko natafuta namna ukimbia. Colossiens chapitre 2. Wa Kolosai sura 2. Aba ba sœur bote ba insumiza. Toutes ces sœurs ba shipo kutii. Est-ce qu'ils peuvent dire amen à cette parole? Ils ne peuvent pas kusema amen à kuinena, wataweza. Amen, c'est-à-dire amen manake, qu'il en, c'est ainsi qu'il en est. Jo vile biko et qu'il en sera. Na njo paka vile vitabakia. Tout pouvoir est entre les mains du Seigneur. Uwezo yote iko mikono ya Bwana. Hapa nikuna manke heshima kwa Bwana. Lorsque je manque de respect à Marie, Dieu peut même me tuer. Kama unaiua vile utashimamisha? Si tu laisses ainsi, tu dois arrêter. Uko naiba dîme. Tu voles la dîme. Tout pouvoir entre les mains du Seigneur. Uwezo yote iko na Bwana. Kama unaiua utakwanza kuiba dîme. Si tu le savais, tu pouvais pas voler la dîme. Uko naiba dîme, c'est parce que uyue. Tu voles la dîme parce que tu ne le sais pas. Unaenda kuzauza mabunga mamboka. Tu achètes la farine et des condiments. Mais au yo seme ule kuna bamba souffle yako ni Mungu. Tu ne sais pas que c'est lui qui détient ton souffle, c'est Dieu. Unamuiba. Mais tu le voles. Frère, Nduku. Jibo, nani ule bumaisha kwa basha kumuibaka huko kachini. Nous tous qui est celui qu'on a déjà volé dans sa vie. Nani ule basha kumuibaka huko. Qui est celui qu'on a déjà volé une fois là. Kuna wengine baya baya. Il y a certaines personnes qu'on a jamais volé, hein. Mshushe mikono. Baisse. Nani anashaka qui a déjà senti des douleurs lorsqu'on les vole? Maintenant posons la question à Dieu. Est-ce que Dieu, on vous a déjà volé une fois? Oui. Comment est-ce que vous vous sentez? Comme eux aussi les sentent. Maintenant, pourquoi est-ce que vous volez la dîme de Dieu? Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à Dieu. Comme tu ne veux pas qu'on te fasse, ça te fait mal, tu manques même à Dieu. Et maintenant Dieu, c'est ça la parole de Dieu, oui. C'est la révélation. Ni ufunuo. C'est ça la parole révélée. Nous vous prêchons le message biblique du temps de la fin. Colossiens 2, Colossiens 2 verset 9 et 10. Car Kwani, en Jésus-Christ Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Tout Dieu Mungu ye wote, physiquement, mumwili, parce que Dieu est esprit. Juu Mungu ye ni roho. Maintenant, quand il est devenu homme, wakati anakuwa mutu, tout Dieu Mungu, bu Mungu bote, a habité dans l'homme Jésus. Burikala ndani ya mutu Yesu. Verset 10. Mustari ya kumi. Maintenant, qu'est-ce qu'il est? Eko nini? Vous avez tout pleinement en lui. Muku na biote katika utele yayo ndani ya yake. C'est-à-dire comme on a muamini. C'est-à-dire lorsque vous croyez en lui. Bile biote Mungu anapatianaka na wewe unakuwa na droit nacho. Tout ce que Dieu peut donner, vous avez aussi droit à les recevoir. Mungu anapatianaka ndoa. Dieu donne-t-il des mariages? Uko muamini fuku na droit ndoa. Tu es un chrétien, tu as droit au mariage. Ba sœur bala ba yaolewa. Toutes les sœurs qui ne sont pas encore mariées. Qui sont nées de nouveau? Ni banani wesho zaliwa mara ya pili. Toutes les sœurs, je pose la question. Quelles sont les sœurs qui sont nées véritablement de nouveau? Il y en a certaines qui ne sont pas encore nées de nouveau. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas mariés, je dis les sœurs qui sont nées de nouveau. C'est-à-dire, quiconque est né de nouveau a droit à tout ce que Dieu ya bile biote Mungu eko nalete ya bantu. Donne-t-il le mariage? Oui. Eti eko nalete ya bantu ndoa, ndiyo. Vous avez droit à ça. Na mwe Mungu na rusa ya kuolewa. Ne soyez pas douteuse. Mushikwe bakushakia. Les douteuses. Bakushakia. Rat. Beko na kosa bitu. Croyez de tout votre cœur. Mwamini na roho yenu yote. Kama mtoto ya Mungu. Si tu es une fille de Dieu. Le temps ne compte pas pour Dieu. Wakati kumbele ya Mungu ashihesabu. Vous avez droit. Muku na ruhusa. Kubile Mungu anapatiana. Aseke Dieu donne. Le mariage est un don de Dieu. Noa, oui. Ni zawadi ya Mungu ndio. Don ni zawadi ya Mungu. Ula anapatiana ka bibi mzuri ni nani? Qui est celui qui donne une bonne femme? Bakasai. Et kasaye? Ao bakaonde. Ule kaonde? Qui nani anapatiana ka bibi mzuri? Qui donne une vraie femme? L'écriture dit, andiko inasema, proverbe, mumezali, on peut hériter, unawezi kuiriti, des maisons, manyumba, des voitures, magari, des chaises, mabiti, des moulins, mamoulin, des boutiques, maboutique, de qui? Kwa des nani? Parents, kubazazi. Mais, alakini, une bonne femme, bibi mzuri, vient de Dieu, anatokea paka kwa Mungu. Avez-vous entendu? Une bonne femme, bibi mzuri, doit venir de Dieu. Ana pas utokea pa kwa Mungu. Vous êtes né de nouveau? Et tu mishe zaliwa mara ya pili? Pour vous marier. Pa we kuoa. Demandez à Dieu. Umuombe Mungu. C'est lui qui donne de bonnes. Yenjo analetaka ba bibi bazuri. Si vous allez vous-même? Kama unaenda wewe mwenyewe? Ah, utaterbamba kuchicho. Ah, tu te tiendras la tête. Vous avez tout pleinement en lui. Buku na biote katika utele yote ndani yake. Lui là. Yeye ule. C'est qui? Ni nani ule? Aza nani? Ni nani huyu? Le chef de toute domination. Mukubwa wa mautawalo yote. Et de toute autorité. Na wa mamlaka bote. Satan est une domination. Oui. Shetani ni mamlaka ndio. Les démons sont des autorités. Oui. Ma demona ni mamlaka ndio. Yulu hapo kuku nani? Au-dessus de yaki? Yesu Christ. Ya Jesu Christ. Sasa. Maintenant, qu'on se soumette à ceux qui sont en bas ou bien à celui qui est au-dessus. Lorsque tu trompes, tu te soumets à qui? Tu te soumets à qui? Marianda moi, tu te soumets à un Un homme là vide. Lorsque tu te fâches contre quelqu'un, tu te soumets à qui? À des 20 personnes. C'est auxquelles tu te soumets. C'est par manque de connaissance. C'est par manque comme de connaissance. Si tu connais Dieu, même ta conduite changera. Il faut se soumettre seulement à Dieu. Il est le chef. Yenjo chef wa yu. De toute domination. Yote. De toute autorité. Yabamulaka bote. Satan lui reconnaît ça. Satan y a na dit vile. Ni paka we yenjo awelewe vile. Yenge to kin comprend. Ni paka we yenjo awelewe. Pano kuna ishi na chuki muro. Lorsque tu vis avec la haine dans ton cœur. Una ti nani? Qui te demande d'avoir la haine? Nani ula na kulombo kwena chuki? C'est Satan. Ni Shetani. Par rapport à Dieu. Kwa kuangalia Mungu, eko nani mbele ya Mungu? Frère. Nduku. Satan, Shetani, depuis sa chute, tangia kuanguka kwake, a été réduit bari mufuanya, au niveau plus bas que nous. Bana mushisha chini sana kutushindia tatizo. Munayoka vile? Le savez-vous ainsi? C'est comme si certaines personnes ne le connaissent, ne le savent pas. Takata, unatakata. C'est pourquoi éclaircir la peau, tu éclaircis. Ni hakikisho que tu ne connais pas. Chomanyele, unachoma. Allez, défrire les cheveux. Mettez les mains sur les portes. C'est la preuve que. Ni hakikisho ya kwamba. Oza zoba. Ah, huku mbumbafu. Ozo comprendre, te. Awelewe. Au comprendre mambo amu. Awelewe la parole. Una na comprendre. C'est lui qui comprend. Una na muyua Yesu. C'est lui qui connaît Jésus. Obéir, Kuti, c'est seulement Dieu. Ni paka Mungu. C'est lui le chef. Yenjo mkubwa, yenjo chef. De toute domination. Wa mautawalo yote. Ephésiens 1. Wa Efeso sura ya kwanza. Ephésiens 1. Wa Efeso sura ya kwanza. Ukuyua Mungu. Il faut connaître Dieu. Na kama unamuyua. Et si tu le connais, comportement quoi t'a changé? Ton comportement va changer. Kusema kwa koko t'a changé. Ton langage va changer. Utakuwa na langage paka ya batoto wa Mungu. Tu auras un langage seulement des enfants de Dieu. Akiri paka ya batoto wa Mungu. L'intelligence des enfants de Dieu. La pensée des enfants de Dieu. Kuchongoza paka kwa batoto wa Mungu. La conduite des enfants de Dieu. Ephésiens 1. Wa Efeso sura ya kwanza. Verset Musari 20. Ya makumi mbili. Il l'a déployé, prenons même verset 17, on commence par là. Tu veux Moussa, à combien ça va t'en dire et parler? Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, Mungu, wa bwana wetu Yesu Christu, baba, vous donne un esprit de sagesse ya ikima, et de révélation na ya ufunuo, dans sa connaissance. Mufamu yake. Mungu apatie kwa frère na ba sœur. Que Dieu donne aux frères et aux sœurs. Kila mtu apatie ufunulo. Que chacun de nous ait la révélation. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Angazie macho ya moyo wenu. C'est-à-dire, mashkoti, si vantu barikwa, macho ya mioyo yabo, ilikuwa ikunona ngiza. Tous ces jours ici, les yeux de leur cœur voyaient les ténèbres. Pourquoi il doit faire ça? Jua nini wanapashu. Pour que vous sachiez. Jou mupate kujua. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Ni matumaini kani nambatana na mwito yake. Kama Mungu anakuita. Si Dieu t'appelle. Uyua kusepa Mungu ananiita. Pour savoir que Dieu t'a appelé. Nijua kupa nini. C'est pour faire quoi? Nijua kupata nini. C'est pour avoir quoi? Na nijua kwenda na hii mambo wapi. Et c'est pour aller vers cette affaire où? Sasa unaona barisha ukubatiza mais haukujua. Voyez-vous, Dieu t'a baptisé mais tu ne le savais pas. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? À ceux qui l'appellent. Quel est envers nous qui croyons? Nous qui avons été appelés. L'infinie grandeur de sa puissance. Nguvu kani anemipa. Ya shipo mipaka. Vous qui l'a appelé. La force qui vous donne. Takata mina katala. Éclaircis la peau. Langa mina katala. Mante, tu refuses. Vol, tu refuses. Simanga mina katala. Critique, tu refuses. Bah Christ veut quoi pas? Y a-t-il des chrétiens ici? Tukuna ile nguvu. Nous avons cette force. C'est-à-dire? Manaki? Moi, c'est bien tu veux acheter. Arrête les choses de Satan. résister à Satan. Mushindane na Shetani. Et que va-t-il faire? Na atafanya nini? Atenda mbari. Il fuira loin de vous. Et si vous ne résistez pas? Kama mushindane naye. Utakuwa mkanisa. Tu viendras à l'église. Muntu wa Shetani. Mais un agent de Satan. Quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? Et cette puissance se manifeste avec efficacité. Se manifeste. Je n'accepterai pas la haine dans mon cœur. Toi-même, tu verras que la haine va te quitter. Je n'accepterai plus la méchanceté. Je n'accepterai plus la jalousie. Même quand quelqu'un est béni, je me réjouirai. Comme Mbaze est devenu Kambov dire, je me réjouis. Je me forcerai pour avoir la joie dans mon cœur. Pourquoi? Dieu a dit, si l'un de vous est élevé, c'est pour tous. Moi aussi, je dois me réjouir. Même s'il ne me donne rien, mais je me réjouis. La haine va me quitter. Je n'accepterai plus d'avoir la haine. Se manifestant. Ikunonokana. Ikaonekana. Ikunonekana. Avec efficacité. Par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ. Ari punguza ndani ya Kristo, anyolosha ndani ya Kristo. Arionesha ndani ya Yesu Kristo. Arionesha ila déployé en Jésus-Christ. Pala kufula Yesu, ndio pale Mungu arionesha ile nguvu. Lorsqu'il a ressuscité Jésus-Christ, c'est là qu'il a manifesté. Il tosha muntu 2 jours après mukaburi. La force qui a ressuscité quelqu'un qui a fait 2 jours dans la tombe. Où est-elle cette force? Bana wanasiri kwa mala pili, sibeko nayo. Ceux qui sont nés de nouveau ont cette force. Timothée, unasikia? Timothée, as-tu entendu? Nguvu ya kukatala lofo kanisa mina katala la force de refuser la santé de l'église, tu l'as là où tu es. Tadili maskoto rans kulofa tadi tous ces jours quand tu as santé. Ah, tu obéissais à Satan. Kapa ipai Satan c'est une personne vile là, mais tu te soumets à lui. C'est ce que je te disais ces jours là pana kuti Satan. Il faut pas vous soumettre à Satan. Il a déployé la force. Lorsque quelqu'un croit, on les baptise. Cette force est en lui. De refuser toute ancienne vie. Elle est en lui. Verset 21. Au-dessus de toute domination. Yulu ya mautawalo yote. Je pose maintenant la question. Nauliza sasa. Satan est une domination. Eti Shetani ni utawalo. Répondez, Satan est une domination. Eti Shetani ni utawalo, ndio. C'est-à-dire, il est en dessous de qui? Manake ko chini ya nani? Quiconque naît de nouveau. Ye yote aneshezaliwa mara ya pili. Satan est à ses pieds. Shetani ko chini ya mikulu yake. Maintenant, ausemeshanake na huyu dada. Tu ne te parles pas avec ce fait. Eti Shetani ko chini ya mikulu yako. Shunon. Voyez-vous? Ça c'est être insensé. C'est être insensé. Au-dessus de toute domination. Toute autorité. Toute puissance. Toute dignité. Tout nom. Qui peut être nommé. Non seulement dans les siècles présents. Même les siècles à venir. Nous nous sommes au-dessus d'eux. Il faut connaître bien Dieu. Tu des blagues avec la parole de Dieu. Tu ne vas pas jouer avec la parole de Dieu. Tu ne peux pas accepter. Satan, lui, pendant que je vous parle, Satan, c'est que tu les as ouverts la mémoire. Hein? Il m'a vraiment causé du tort. Tous ces gens ici, ils vont m'échapper, ils vont l'échapper. Vous connaîtrez la vérité. Dit au kweli, et vos yeux s'ouvriront. Na macho yenu tafungula. Vous connaîtrez ça. Mutajua vile. C'est-à-dire que neno la tout ce qui n'est pas la parole de Dieu, il ne faut pas l'accepter. Je ne peux jamais jouer avec ma vie. Ma vie est à Jésus-Christ. Mon corps est à Jésus-Christ. Ma bouche est à Jésus-Christ. Je ne fais pas perdre mon temps. Mon temps wakati yangu est précieux damani pour le Seigneur. Dieu ya bwana, c'est lui le chef, chef de mon temps. Wa wakati yangu. Vas-tu rester dans ta pharmacie et t'absenter de l'église? Le chef de Satan, c'est qui? Chef wa... C'est Jésus-Christ. Ni Jésus-Christ, ndio chef. D'abord Jésus. Kwanza Yesu. Mabaki, Kisha. Le reste après? Mabaki kisha. Si Satan découvre que oh, cet homme m'a découvert, allons-y. Qu'on les laisse, allons-y. Il va agir comme il a agi dans le fou de Gadara. Attendez, pas qu'il a refoigné comme Daniel ou le Mundamazimu à Gadara. Allons-y. Cherchons d'autres ports. Il ne faut pas accepter d'être un port. Il ne faut pas accepter d'être un cochon. Satan cherche l'endroit où il faut se réfugier. Mais toi, tu acceptes qu'il puisse venir chez toi. C'est toi qui as accepté. Et il sait que oui, mon alors, je sais, cet homme est insensé, il ne connaît pas encore la parole de Dieu. Amen. Amen. Satan sait. Satan est en adjoua. Colossiens chapitre 2. Ou à Colossiens sur Ambili. Colossiens chapitre 2. Colossiens sur Abili. Verset 13. Misara Gumenatatu. Vous qui étiez morts par vos offenses. Moi, je suis mort pour ma cosa yenu. Dans cette vie que tu menais là, tu étais mort. Il vous a rendu à la vie avec lui. Anamifanya kwa na bujima pamoja naye. Satan sait que c'est la vérité. Shetan anajua sema ni kweli. Ni wenjo wa uyaelewe ile mambo. C'est toi qui n'as pas encore compris la chose. Pale ndikuwa kama ile maisha ndikuwa mtu mwenye kufa. Lorsque j'étais dans cette vie, j'étais mort. Maintenant je ne suis pas un mort. J'étais mwenye kufa. Je ne suis plus un mort. Pourquoi? Dieu a nini? Ah, il nous a fait en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Tu fanchia neema kwa makosa yetu yote. Dio wote bila nianze kufanya ka pale ndiamini. Tout ce que je faisais après avoir cru, Dieu a tout ôté. Malgré que Satan peut me rappeler, je dirais, c'est vrai, j'avais commis cela, mais devant Dieu, tout cela n'existe plus. Répentez-vous, je commence encore à me repentir de nouveau. Non, ça n'existe plus. Bien sûr, je mais peux me souvenir, mais ça n'existe plus. 14. Il a effacé. Arijimisha. Ça a été, frère, c'est comme à l'école. On a écrit beaucoup de choses sur les tableaux. On voit le trottoir, on efface. Maintenant, toi, tu regardes encore au tableau. Dieu, pardonne-moi. Est-ce que ça existe encore? Est-ce que tu es correct? Tu es normal? Dieu lui dit c'est passé. Mais vous dites mais toi tu dis non, ça y est là encore. Tu es détraqué? Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Satan est une domination et une autorité, non? Satan ni mamlaka na utawalo. Oui. Ndio. Bon, maintenant, on a dépouillé qui? Ça, ça va lui mouvoula, nani. Est-il du nombre ou oui ou non? Est-ce comme il est un coup de du nombre? Dio, nae, va lui c'est-à-dire, il n'a plus de force. Manake, anatena na nguvu. Il n'a plus de force. Anatena na nguvu. Si on a dépouillé. Dieu va lui mouvoula. Comment va lui mouvoula? Tu lisais que les bananes, va lui dépouiller. Tu vas yuwe. Posons la question, à qui est-ce qu'on a dépouillé? Mais Satan est du nombre. Satan, nae, comme il est kundi. Mademona, nae, comme il est kundi. Il va lui mouvoula, biote. Il ne peut rien face à moi. Ah, bah, est-ce qu'on ne fait rien? Il ne peut rien. Ah, bah, t'en fais rien tout. Même si le os donnait un ordre. Attaque ma kipima gouleta à Gizo. À mon nom. Moudina là. Vous les chasserez. Vous t'avez foukouza. Chassez-le. Vous avez foukouza, Moudina à Yesu. Chunon. Voyez-vous? La révélation quand elle vient, inakuya, elle est claire. Ikunangazia. Elle donne la lumière. Inaleta nuru. Je vais les chasser. Tabafukuza. Anata kunyeka chuki. Toka. Il veut me placer la haine. Je lui dis, allez, va-t'en. Il ne peut pas résister. Asa shindana. Toka. Allez, va-t'en. Vous êtes mon tueur. Je ne suis pas ton esclave. Cherchez les gens à qui tu places la jalousie. Cherchez les gens à qui tu places la jalousie, pas à moi. Que le Seigneur vous bénisse. Allez, va se jouer d'autres personnes. Un véritable chrétien, lorsqu'il connaît bien Dieu, Satan, la relation s'arrête. 1 Jean chapitre 3. Yohane wa kwanza sura 3. 1 Jean chapitre 3. Yohane wa kwanza sura 3. Verset 1 et 2. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Tazameni ni upendo kani Bwana alitushuhudia juu tupate kuitwa watoto ya Mungu. Eh? Na nous le sommes. Njo kile tuko. Y a-t-il des enfants de Dieu? Eh, tikukwa kwa watoto ya Mungu ndio. Les enfants de Dieu apprennent. Écoutez maintenant. Batoto ya Mungu sasa musikie. Satan, Shetan, a été dépouillé. Bari mvula bien. En Swahili tutasema. En Swahili on dira. Basha mvula. Ashina nampete. On l'a dépouillé, il est dégradé. Bata soldani ya masashi na mampete. On craint les soldats lorsqu'il a des munitions et des grades. Si vous voyez les soldats, il n'a pas de grades, il n'a même pas de munitions, il n'a pas d'armes. Il n'a même pas de baïonnettes. Il vous dit, je vais te tuer. Tu vas tuer, tu vas me tuer comment? Maintenant, tue-moi. Je vais te tuer. Tue-moi maintenant. Les soldats vont tuer avec quoi? C'est avec l'arme. Mais où est l'arme? Où est les baïonnettes? Tu trembles devant quelqu'un qui n'a plus d'arme, on l'a désarmé. On va pas t'épouser. Non, il ne serait pas épousé. Même un païen. Tu ne comprends rien. Mais où est le qui te dit qu'abat ta qui t'a dit qu'abat ne sera pas épousé? Est-ce que c'est Dieu? Satan. Et tu trembles. Na una tete mec. Imalari cette maladie va te tuer. Oh. Mais est-ce que c'est un Africain si mon maman l'ombe moi? J'apprends qu'à Africain s'il y a une maman de vin. Où est le qui a dit ça? Na ni arisema. C'est Dieu? Ni Mungu. Mutoto wa Mungu anaudizaka, que dit l'écriture? Un enfant de Dieu pose la question, andiko nasema nini? Que dit l'écriture? Andiko nasema nini? Lisez-moi l'écriture. Munisome andiko. Et allons de l'avant. Na tu songe mbele. Psaume 119 verset 100, vous allez lire à la maison. Zaburi 119 verset 161 je crois. Zaburi 119 161. Mon cœur. Moyo wangu. Ne tremble. Siku na tetemeka paka. Que quand on me donne l'écriture. Mpaka wakati ile bana nipatie andiko. Mimi na shutukaka nipaka kaba nisome andiko. Moi je tremble seulement lorsqu'on me lit l'écriture. Non, ça va tu peux qu'on en échange. C'est comme si les gens sont 119. Zaburi 119. Psaume 119. Zaburi. On termine par là. Tu t'échis à parler. Korali tu t'es riche ou mwambie shetani. Korala, prête-nous ce cantique-là. Umwambie shetani nimeokoka. Dites à Satan, je suis sauvé. Psaume 119, verset 161. Verset 161. Des princes. Bafalume. Les démons et Satan. Ma demona na shetani. Cherche à me persécuter. Veko natafuta kuniteswa. D'accord, venez. Cherche à me faire la guerre. Wanapenda kunikombanisha. Venez. Mukuye. Venez. C'est-à-dire, je suis surtout quelqu'un tout. C'est-à-dire, je ne m'en soucie de rien. Moulamouke, moupande, moupagne manjanja yote, moupagne. Faites toutes vos grimaces et je ne serai pas surpris. Vous bloquez, vous avez une mambo, je ne craindrai pas, même si vous bloquez. Vous bloquez Ndoa, je suis surtout. Bloquez mon mariage. Bloquez ma affaire, je suis surtout. Bloquez mes affaires, je ne suis pas inquiet. Bloquer ma case, j'angoisse shutuka. Bloquer mes activités, ça ne fait rien. Va falloir me persécuter. Dès qu'on a nité soi. Mimi na shutuka ganin. Moi, je tremble tellement devant toi. Anakini moyo wangu. Ne tremble qu'à tes paroles. Iku na tetemeka paka mbele ya neno lako. C'est-à-dire, bibi, tu veux te shuta shutuka. C'est-à-dire, devant toutes ces choses ici, je ne peux pas trembler. Comme disent ce que dit l'écriture. C'est-à-dire, mais devant tout ce que Satan nous fait ici, tu vas échouer de payer le minerval de tes enfants, ça ne me fait rien. Tu n'as pas de maison, ça ne fait rien. Montre-moi ce que Dieu a dit, alors là je vais trembler. Y a-t-il des chrétiens ici? c'est-à-dire tout ce qui vous fait trembler. Manake bile yote biguna mitetemesha. Ni mpepo. C'est le vent. Mais celui que nous avons, il a grondé au vent. Qu'est-ce que le vent a fait? Il s'est calmé. Y a-t-il des vents dans vos vies? Y a-t-il des tempêtes dans vos vies? Y a-t-il des agitations de la mer? Celui qui est avec nous, demandez silence aujourd'hui. Amen. Amen. Amen. Amen. Tous tu m'amènes. Mettons-nous debout. Chorale en avant. La chorale, mouimbe, mouimbo. Yesu Kristu, a partir à leo toka mu maisha yangu.